Chapitre 8. Jonathan Smith en plein mystère. Au moins, se disait Jim, pendu au téléphone dans la cabine téléphonique la plus voisine, au moins ai-je la satisfaction de songer que j'ai eu aujourd'hui le plaisir d'augmenter d'une manière appréciable les recettes des PTT de Londres. Allô, allô, mademoiselle, c'est insupportable. Voilà une heure que j'ai demandé Guildford. Il n'y a pas une heure ? Mais il y a au moins 5 minutes. Je vous dis que c'est urgent. Il me faut le poste de police. Ah, ça y est. Ce n'est pas trop tôt. Jenkins, le chef constable est là. Jonathan, je vous annonce que je m'occupe de votre avancement. Je veux enfin, moi aussi, vous rendre un service. Et je vous mets sur une piste qui, si vous la poursuivez avec succès, vous vaudra la qualité d'inspecteur. Une piste qui vous intéresse, mon vieux. Il se passe quelque chose de mystérieux dans l'appartement de votre honorable tante, Miss Sarah Smith. Quoi ? Je ne suis pas le premier à vous le dire ? Enfin, Dieu merci, mais n'y est pas aujourd'hui. Comment ? Elle y est, en ce moment ? Mais ce n'est pas possible. J'en viens, et la bonne m'a dit qu'elle n'y était pas. Il y a combien de temps ? Et qui encore ? Miss Esther Bell ? Il ne manquait plus que ça. Mais notre mère, grand Dieu, si elle courait un danger ! Ne posez pas de questions, Jonathan. Vous êtes exaspérant. Arrivez le plus tôt possible. C'est ça. Si on ne me laisse pas entrer, vous me trouverez devant l'appartement. Comme il s'y attendait, personne ne répondit à ses coups de sonnette répétés. Terriblement inquiet, il se posta sur le palier devant la porte. Maintenant qu'il savait les deux mais chez Miss Smith, toutes ses pensées étaient pour la première. Il se reprochait amèrement d'avoir contribué à introduire dans la maison où elle se trouvait une aventurière dangereuse. Car il ne doutait plus que May 2 avait simplement cherché à détourner ses soupçons par une simulation adroite et inattendue. Mais de quelle façon la tante du chef constable entre toutes au centre de ses agissements louches ? C'est l'infirmière de Miss Smith qui vient de la part de son médecin. Avait déclaré la bonne. Au fait, mais de se cacher peut-être sous cet autre déguisement commode. Dans ce cas, le médecin était-il dupe ou complice ? Et qui était le docteur de la vieille demoiselle ? D'autre part, la tante de Jonathan et May Smith n'avait pu manquer de s'apercevoir de la ressemblance étrange entre elle-même et la soi-disant infirmière. Était-il possible ? Les pensées les plus folles s'entrecroisaient dans l'esprit de Jim. Que May eut une sœur dont l'existence, pour des raisons inconnues, devait être tenue secrète ? Et comment Miss Esther Bell, à ce nom Jim frissonna, car il avait une peur bleue de l'autoresse, avait-elle vent de ce mystère ? Et enfin, pourquoi toutes ces personnes qui devaient se trouver maintenant dans l'appartement ne répondaient-elles pas au coup de sonnette ? La voix d'un homme était-elle celle du médecin ? L'infirme se mourait-elle ? Ou bien... Jim frémit. Les complices de la contessina s'étaient-ils introduits dans ce logis ? La bonne était-elle à leur solde ? Dans ce cas, qu'adviendrait-il des femmes innocentes ? Le sang de Jim bouillonna à cette pensée. Pourquoi, mon Dieu, n'avait-il pas sur lui le trousseau des fausses clés qu'il mettait dans la poche de tous ses héros ? Mais il était inutile d'alerter la police, car au fond, il ne savait rien. Et jusqu'à la venue éventuelle de Leeds, il s'écoulerait presque autant de temps que jusqu'à celle de Jonathan Smith. Les minutes se traînaient avec une lenteur suppliciante. Quelques personnes, descendant ou montant l'escalier, avaient remarqué avec étonnement le jeune homme qui arpentait fiévreusement le palier. Au moindre bruit, il tressaillait nerveusement et prêtait l'oreille. Mais s'il se passait quelque chose chez Miss Smith, ce devait être dans les chambres du fond, car, bien qu'il collât son oreille à la porte, il régnait un silence de mort. Il fut même surpris dans cette position peu flatteuse par un monsieur âgé, accompagné d'un collégien, qui descendait de l'étage au-dessus. Entendant un bruit de pas, il se rejeta en arrière, et le regard scandalisé du vieillard le fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Le vieux monsieur saisissant le gamin par l'épaule, l'empêcha de se retourner et l'entraîna d'une main ferme avec une indignation silencieuse. Chaque tour que faisait l'aiguille sur le cadran des secondes était une torture de l'Inquisition. Chaque minute, 100 ans de purgatoire. Il se sentait prêt maintenant à livrer May 2, pieds et poings liés à la police, pourvu que May 1 fût en sécurité. Jonathan Smith ne viendrait-il donc jamais? Est-ce ainsi qu'il protégeait sa femme? Enfin, après une attente d'une heure, la silhouette imposante de Jonathan Smith parut au bas de l'escalier, accompagnée du maigre Jenkins. « Vite, vite !» cria Jim. « Ouvrons cette porte, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. » Pendant que Jenkins introduisait en hâte dans la serrure, l'un après l'autre, ses passe-partout, Jonathan déclara à Jim. « Mon pauvre frère, un noir mystère s'est abattu sur notre famille. » Enfin, la porte céda, et les trois hommes se précipitèrent dans le vestibule. Jim s'élança dans la direction d'où lui était parvenue la voix d'homme. Il poussa la porte du salon, et ses yeux horrifiés apparut un tableau sinistre. Étendues sur le sol, auprès de la fenêtre, deux femmes gisaient dans le sang.